Chapitre 3e, le petit con. Nicolas Viard, le remplaçant de Destrée, le reçut le même après-midi. « Veuillez prendre place, monsieur Dutilleul. Je suis très heureux de vous rencontrer, et j'espère que nous allons entamer une collaboration fructueuse. Je dois dire que vous m'intriguez. Tout le monde parle de la fameuse méthode Dutilleul, mais personne, en fait, n'est capable de la décrire précisément. Pourtant, les résultats sont là, je dois l'admettre, stupéfiants. Pas moins de 5 perpétuités. » Dutilleul ne broncha pas lorsque son nouveau chef, dont il n'avait fait aucun effort pour retenir le nom, commença à énoncer son palmarès. Il revivait à chaque fois la même scène lorsqu'il y avait un changement de tête et l'exercice n'avait rien d'excitant pour lui. Il avait des résultats, point. Il ne faisait jamais que son métier. Aussi, il jugeait inutile de porter la moindre attention à ce qui allait être dit. De toute façon, à quelques variantes près, les propos étaient toujours les mêmes. On le congratulait et on l'encourageait à maintenir le cap, tout en lui faisant comprendre qu'il était difficile d'octroyer des moyens supplémentaires, même s'il pouvait, dans la mesure du possible, diminuer les dépenses, limiter les déplacements au strict nécessaire. Pour se distraire, il préféra penser aux belles mains de Mado, sa presque compagne. Il imaginait un bon massage, un vrai, pas un massage crapule, qui finissait généralement sous les draps, à leur plus grande satisfaction à tous les deux. Non, un bon massage avec cette huile à base de cyprès qui sentait si bon. Il avait la nuque tellement raide. Il devait l'appeler ce soir. Qu'elle décommande le timide au besoin. Pendant ce temps, son interlocuteur continue à pérorer, passant un à un les points de son dossier administratif. Il n'avait pas à répondre. L'autre aimait visiblement s'écouter parler, ce qui lui allait très bien. Ainsi, il pouvait laisser vagabonder son esprit. À la suite de son entretien avec Destrée, il avait reparlé de mariage avec Mado. Pas plus que lui, elle n'était tentée par l'aventure. Elle aimait trop sa vie actuelle, son indépendance, sa liberté. Elle ne souhaitait surtout pas mettre fin à ses activités. Puisque son tilleul n'éprouvait aucune jalousie, pourquoi devrait-elle changer la moindre chose dans son mode de vie ? Toutefois, c'est vrai, il se voyait de plus en plus souvent, surtout le week-end, mais chaque lundi matin, sans hypocrisie de la part de l'un ou de l'autre, chacun était heureux de reprendre sa liberté. Naturellement, une telle situation personnelle aurait dû valoir de gros ennuis à Dutilleul. D'ailleurs, certains ne s'étaient surtout pas privés de lui chercher des crosses. Heureusement pour lui, les choses n'allaient jamais très loin. On reconnaissait l'excellence de ses résultats et surtout, il avait le considérable avantage de toujours respecter scrupuleusement la procédure. Pas d'interrogatoire musclé avec lui, jamais de violence inutile. Autre aspect qui ne devait pas être négligé, chaque dépense engagée était toujours soigneusement justifiée. Bref, Dutilleul n'avait jamais profité du système, alors sa vie personnelle. « Vous m'écoutez, Dutilleul ?»« Tiens, » son interlocuteur, visiblement fatigué de parler à un mur, semblait vouloir entrer en contact. C'est vrai qu'il avait oublié de lui accorder le minimum d'attention requis. Il répondit un oui le plus enthousiaste qu'il put, et en l'occurrence, il pouvait faire beaucoup mieux. « À tout hasard, j'ai consulté votre dossier personnel. »« Ah !» pensa Dutilleul in petto. « Nous y voilà. » »« Il t'en a fallu du temps pour cracher le morceau. »« À mon avis, le hasard n'a rien à voir. Tu en mourrais d'envie. »« Un mauvais point pour toi. Presque un coup bas, vu ton âge. » Alors, voyons ça. Votre prénom n'est mentionné nulle part. J'ai trouvé ça des plus troublants. Peut-être pouvons-nous combler ce vide ? Non, monsieur, je ne préfère pas. Intéressant. C'est ainsi. Bon, passons. Mais provisoirement. Né le 7 septembre 1953 à Parentis-en-Borne, département des Landes. Fils, visiblement unique, de Georges Léonce Dutilleul, psychiatre, et de Marie-Andrée de La Fraye, sans profession, décédée le 28 avril 1961. C'est amusant, j'ai croisé un Dutilleul dans mes études. Celle-même. C'était une sommité dans son domaine, sans doute. Vous n'aviez pas l'air de beaucoup l'apprécier, on dirait. Pardonnez-moi, mais je ne vois pas très bien ce que tout ceci vient faire ici. J'avoue que je ne sais pas bien encore, mais je trouverai. Je comprends pourquoi vous êtes une énigme pour beaucoup. D'ailleurs, mon prédécesseur ne s'y était pas trompé, puisque ce dossier était dans son coffre, ainsi que votre dernière déclaration fiscale. On peut dire qu'il vous avait à l'œil. Vos revenus sont d'ailleurs plus que confortables, enfin, tant mieux pour vous, mais vous comprendrez bien qu'une augmentation de votre traitement... Je saisis parfaitement, monsieur. De toute façon, ça ne devrait guère vous poser de problème. J'aimerais bien, moi aussi, recevoir un tel pactole tous les mois. C'est à se demander pourquoi vous vous obstinez à travailler. Vous pourriez largement vivre de vos rentes. Gentleman farmer. Oui, ce serait assez votre style. Vous en avez même la prestance. Je n'ai pas une mentalité de rentier, monsieur. Sans doute, sans doute. Je suis sûr que vous ne trouvez pas cela très fair-play, surtout pour une prise de contact. Il n'est pas dans mes habitudes de commenter quoi que ce soit, monsieur. Maintenant, si vous le permettez, je vais me retirer. Momentanément, oui. Mais nous reprendrons cet entretien plus tard, voulez-vous ? Vous finirez par cracher le morceau, vous savez. Dutilleul sortit sans même prendre la peine de saluer. Il ne voulait pas y penser pour l'instant. Il retrouva son bureau avec soulagement, puis appela Patricia Martineau par l'interphone. À son air inquiet, il sentit qu'il ne devait pas avoir l'air dans son assiette. Il but avec délice la tasse de thé qui lui fit un bien fou. Puis il appela Mado. Il fit annuler tous ses rendez-vous de la fin d'après-midi. Il avait besoin de réconfort. Les mains de Mado bataillaient fermes, mais rien n'y faisait. Dutilleul ne parvenait pas à se détendre. « Relax, mon tilleul. Laisse faire la pro. Qui t'a fichu dans un état pareil ? J'aime mieux ne pas en parler. Comme tu veux. Mais dis-toi que tu as tort. Merci de t'être libéré. » Le lyonnais me fatigue, il devient jaloux. Pas violent. Non, pas pour l'instant. Fais attention. Je ne voudrais pas avoir à recoller les morceaux. C'est déjà dur pour les autres, alors toi. T'inquiète pas, tilleul, je maîtrise. Tu as une cigarette ? Oui, dans ma veste. Ne bouge pas, je reviens tout de suite. Il fit exactement ce qu'elle dit. Il ne bougea pas d'un pouce. Elle ne fut pas longue à revenir et les mains reprirent leur balai. Torsion, malaxage, roulement. Seulement, il ne savait pourquoi, il ne parvenait pas à se relaxer. Il avait froid et se sentait déprimé. Elle finit bientôt par capituler. « Toi, t'es bon pour un Lexo et au dodo. Un demi devrait suffire. Je l'espère. Tu es déçu ? Non, je ne sais pas. D'habitude, j'y arrive. Ne te fais aucun reproche. La tâche était simplement trop dure. » « J'aimerais tout de même bien savoir ce qu'il a pu te dire, le nouveau, pour te mettre dans un tel état. »« Oh, trois fois rien, en fait. Il a juste déterré les morts. »« Eh bien, tu n'oublieras surtout pas de le remercier de ma part. »« Je peux rentrer, si tu veux. »« Non, reste. Tu sais que je n'aime pas te voir comme cela. »« On se couchera tôt, c'est tout, » répondit-elle, légèrement amère. « Tu es vraiment merveilleuse. » Elle ne lui répondit pas. Ça lui faisait trop mal de parler. Elle le laissa l'enlacer, se lever tout contre elle. Elle lui caressa doucement la nuque. Pourquoi fallait-il qu'on l'amoche toujours, celui-ci ? Elle ne l'aurait avoué pour rien, au moins. C'était l'amour de sa vie. Elle avait trop de métier pour se mentir. Elle l'avait dans la peau. Il représentait tout ce qu'elle avait toujours voulu. Grand, beau, mais pas parfait. Toujours très distingué. Mais ne jouant pas le monsieur pour autant. Surtout, il avait ce charme indéfinissable auquel elle était si accro. Il était entré dans sa vie par la plus petite porte, mais elle avait vite compris qu'il ne fallait surtout pas le laisser repartir. Elle avait tout de suite flairé l'oiseau rare. D'ailleurs, il n'était pas passé par la case client. Jamais il n'avait été question d'argent entre eux. C'était une relation parfaitement désintéressée. Elle s'était construite au fil du temps. Elle n'avait pas connu les crises habituelles. Dutilleul n'avait jamais parlé de s'installer avec elle. De toute façon, elle n'avait pas besoin de réfléchir beaucoup pour savoir qu'il ne lui avait jamais rien demandé. Il n'exigeait pas. C'est lui qui se rendait disponible, pas l'inverse. À part aujourd'hui, naturellement. Quand son tilleul l'avait appelé un peu plus tôt, Mado avait immédiatement compris combien il était bouleversé. Elle en avait eu confirmation à son arrivée. Les beaux yeux gris avaient cet éclat métallique qu'elle ne leur aimait pas. Et les mâchoires étaient vilainement contractées. Mado avait tout de suite su ce qu'il lui restait à faire. Heureusement qu'elle avait pris quelques leçons de massage. Elle était allée chercher l'huile de cyprès. Ne finissait-elle pas par connaître son tilleul? Du moins sur ce point précis, car en dehors de cela, elle ignorait à peu près tout de son histoire, à part son prénom, bien entendu. À défaut de faire l'amour, du tilleul avait au moins passé une bonne nuit, et les nuages de la veille commençaient enfin à se dissiper. Mado lui avait servi un vrai petit déjeuner qu'il avait eu un peu de mal à avaler, n'ayant pas franchement faim. Ce n'était pas son heure, mais comme il ne voulait pas la vexer. Il s'était changé aussi. Il ne fallait pas qu'il oublie de déposer ses affaires de la veille au pressing. Le nouveau costume, choisi par Mado, était très saillant, même s'il le trouvait un peu trop clair. C'était toutefois une bonne idée d'avoir une tenue de rechange chez elle. Il était heureux de ne pas avoir eu à repasser à l'appartement. Il n'aurait peut-être pas pu le supporter, et la dernière chose qu'il voulait, c'était penser au grand con en ce moment. N'empêche que le petit con l'avait bel et bien déstabilisé avec ses réflexions. Cela promettait pour le futur. Puis, subitement, il pensa à la clinique. Fierté du grand con. Il savait qu'elle existait toujours puisqu'il recevait chaque année le récapitulatif des comptes. L'établissement devait même être bien géré puisque la somme reçue était conséquente. Il y avait aussi la maison. Maison dans laquelle il ne pouvait remettre les pieds, même après tant d'années. Elle était louée et la chose lui convenait très bien. L'argent du loyer ainsi que celui de la clinique partait directement sur un compte auquel il n'avait jamais touché. C'était un blocage, un autre. Le périphérique était bien encombré mais roulait tout de même. Le ciel était assez dégagé. Aucune pluie n'était annoncée. Son moral remonta un peu. Un peu plus tard, il vit son second, Bellegarde. Celui-ci n'avait vraiment pas l'air heureux. Aussi, du tilleul décida de lui accorder quelques minutes. « Ils sont allés le chercher où, celui-ci ? » dit Bellegarde en redescendant de son entretien avec le nouveau. « À Nancy. »« Eh bien, sauf votre respect, chef, il pouvait se le garder. »« Vous l'intéressez bigrement. Il n'a pas cessé de me cuisiner sur votre compte. »« Que lui avez-vous répondu ?»« Rien. Qu'est-ce qu'il y avait à répondre ? Moi, je n'ai pas l'habitude de m'interroger quand ça va bien. » Il a dû être déçu. « Oh, certainement. » La palme de la question la plus curieuse revient, et de loin, à votre prénom. Ça le travaille, on dirait. Vous pouviez le lui dire, vous savez. Je ne vous en aurais pas voulu. Je le sais bien, mais je ne l'ai pas fait. Merci, Bellegarde. Pas de quoi, chef. Je n'aime pas ses manières. Il veut nous en imposer. Le style, je sais mieux. Il me rappelle du paillet, tiens. Espérons simplement qu'il ne fera pas autant de dégâts, et que des pitchounettes innocentes n'auront pas payé la facture. J'y veillerai, Bellegarde, j'y veillerai. Cependant, je pense comme vous. Nous allons avoir droit à quelques belles âneries. Je voulais vous dire autre chose, chef. Je sais que je ne devrais pas, mais... Ah, puis tiens, je suis tellement retourné. Allez-y, Bellegarde. Sinon, vous le savez comme moi, cela va s'infecter. Il m'a montré votre dossier. Pas possible. Si. Il a sans doute cru pouvoir m'intimider. Mais j'ai tenu bon, chef. Je n'allais pas céder devant un petit con pareil, même si ça a été dur. La chose n'est pas bien grave. Si vous voulez tout savoir, moi, non seulement il m'a montré mon dossier, en plus il a sorti rien de moi qu'une copie de ma dernière déclaration de revenus. Vous plaisantez. Pas le moins du monde, Bellegarde. D'Estrée l'avait dans son coffre. Il avait surtout bien oublié de l'emporter avec lui. Ça, comme coup bas. J'avoue avoir plus que sous-estimé sa capacité de nuisance. Mais dans quel but ? La chose est beaucoup moins claire, du moins pour l'instant. C'est ignoble. Enfin, ce n'est pas le plus important. Néanmoins, je donnerais cher pour savoir qui lui a communiqué cette information. Bon, ne vous mettez pas martel en tête. C'est marrant. C'est presque ce que m'a dit Mado. Passons maintenant à autre chose. Girardin est disponible en ce moment ? Il l'est toujours pour vous. Cela tombe bien. Je vais en avoir besoin, mais pas tout de suite. Qu'il finisse de traiter les affaires qu'il a en cours, puis on avisera. Vous avez levé quelque chose ? Je ne sais pas, peut-être. Je vais m'absenter un, voire deux jours, sans doute à la fin de la semaine. Pouvez-vous prendre le relais pendant ce temps-là ? Pas de souci, chef, vous le savez bien. Merci, Bellegarde. Mais inutile de jouer les prolongations, voulez-vous ? Patricia, pouvez-vous m'appeler Michonnier ? Pourquoi ? Vous avez mal digéré vos agapes d'hier ? Pourtant, je ne vous ai pas vu beaucoup autour du buffet. Vous n'êtes même pas resté très longtemps. Patricia. Je me permets de vous taquiner un peu. Vous n'avez pas une mine extraordinaire. Cela tombe bien que vous m'en parliez. Je vais prendre 2 jours de congé. C'est très bien cela. Je vous établis vos bons tout de suite. J'espère que M. Viard n'en prendra pas ombrage. Quand bien même. Au fait, je vous remercie. Je n'étais pas parvenu à retenir son nom. Monsieur. Non, non, je vous assure. Je ne me moque pas de vous. Pour employer un langage de jeune, j'ai zappé les présentations. Le docteur Michonnier. Ah oui, au fait, appelez-le vite, c'est assez important. Je le fais tout de suite, dit Patricia Martineau, soudain redevenue parfaitement sérieuse. Quelques minutes plus tard, le combiné sonna à nouveau. Monsieur, le docteur Michonnier est en ligne. Je le prends immédiatement. Le docteur Michonnier était un ami de longue date de Dutilleul. Il l'avait rencontré des années auparavant au cours d'une enquête assez délicate. Quoique très compétent et possédant sans doute l'une des plus belles clientèles de Paris, Michonnier était demeuré simple. Les deux hommes n'avaient pas tardé à se lier d'amitié, d'autant plus que le docteur était un bon vivant. « Hello, mon cher Dutilleul, tu vas bien au moins ? Ça me fait penser que je ne t'ai même pas remercié pour le dernier resto. Il est franchement pas mal ton petit troquet. Juste impossible à retrouver, mais en dehors de ça. Alors nous y retournerons. Mais ce n'est pas pour cela que je t'appelle. » En fait, je suis à la recherche d'un pédopsychiatre. Ce serait plus le domaine de Sidoine. C'est quand même plus son rayon. Bien sûr, répondit Dutilleul en se frappant sur le front. Je crains de t'avoir dérangé pour rien. Excuse-moi. Il n'y a pas d'excuse qui tienne. Tu es toujours le bienvenu. Surtout, permets-moi d'être sérieux 2 minutes. Tu devrais te reposer. J'ai appris que Destré est parti. Tu es déjà au courant? Que veux-tu? J'ai de très bonnes et de très grandes antennes dans la maison. « Blague à part, lève le pied. L'affaire Louvier n'était pas des plus faciles. Je prends 2 jours à la fin de cette semaine, sans Mado. C'est un bon début, mais tu devrais faire un break. Viard ne m'est pas tout à fait inconnu. Comment l'as-tu trouvé ?»« Pour tout dire, le premier contact n'a pas été des meilleurs. Ne le mésestime pas. Il est bien meilleur qu'on pourrait le penser de prime abord. Bien sûr, il a un égo démesuré, mais je veux dire qu'il est compétent. Naturellement, il n'a pas grand-chose à voir avec Destré. Il est vrai qu'il t'a toujours laissé mener tes enquêtes à ta guise. C'est vrai, mais c'est le même qui s'est fait communiquer ma dernière déclaration de revenus et qui a surtout oublié de la garder pour lui. Non, joli coup bas. L'animal réservait donc encore des surprises. Comme quoi, on n'est jamais assez prudent. Pour autant, ne prends pas trop la chose à cœur et profite de ces 2 jours pour te reposer. Tiens-moi au courant, veux-tu ? Au fait... Tant que j'étais en ligne, il serait bien de planifier une visite de routine. Sidoine Renan, elle aussi une amie de longue date et qui l'avait bien aidé lors de l'affaire Louvier, ne fut pas plus compliquée à joindre. Hélas, le nom de Vauquier ne lui disait rien. Elle aussi lui recommanda de prendre un peu de repos. La fin de la journée se passa sans incident notable, sinon que Dutilleul reçut le dossier de l'affaire Pradier. Morand, pour ne pas perdre de temps, le lui avait fait porter. Dutilleul prit quelques minutes pour l'examiner. Hélas, en dehors de survoler les nombreuses coupures de presse jaunie, rien n'attira vraiment son attention. En revanche, Morand lui avait laissé un mot. « Si tu te rends sur place, va à l'auberge de la Vieille Fontaine. C'est là que j'étais descendu pour l'enquête. La patronne s'appelle Micheline Servier. C'est une vieille copine. Si tu ne la bouscules pas, elle te parlera. » Et la tortore, « Je ne te dis que ça. » Dutilleul appela l'auberge et réserva pour 3 nuits. Ensuite, il rangea soigneusement le dossier dans son cartable. Il l'examinerait soigneusement un peu plus tard. Il disposait de toute sa soirée pour le faire. Toutefois, avant de le refermer, il n'avait pas pu s'empêcher d'être ému par le cliché de Mathilde Pradier. C'était vraiment une très belle jeune fille. Avant de quitter le bureau, Dutilleul appela Mado. « Désolé, on ne pourra pas se voir ce week-end. »« Pas grave, mon tilleul. Tu pars en vadrouille ?»« Elle a de jolies jambes. »« Mado. »« Ça ne me dérangerait pas. Je ne suis pas exclusive. »« Tu as droit, toi aussi, à tes distractions. »« Mado. »« Allez, amuse-toi bien. »« Au fait, le Lyonnais a piqué une colère terrible. »« Mado. »« T'inquiète pas, mon tilleul. Je menaçais de ne plus le recevoir, ça l'a calmé. Mado, je ferai attention. Appelle Bellegarde, au besoin. Dutilleul avait un dernier appel à passer avant de regagner son appartement. Il l'avait repoussé jusqu'au tout dernier moment, car ce n'était jamais une partie de plaisir, mais puisque c'était l'occasion. Heureusement, toutefois, son interlocuteur était là et l'attente ne fut pas trop longue. Il avait longtemps hésité, mais il valait mieux le lui dire. Le putric. « Ah tiens, Dutilleul, ça fait un bon moment. Combien au juste ?»« 6 mois. » Le putric était un psychiatre que Dutilleul avait rencontré lors d'une affaire qui concernait l'agression d'une jeune fille. Leurs premiers échanges avaient été d'autant plus vifs que Dutilleul n'appréciait pas des masses le personnage. Le putric, quoique certainement très compétent dans son domaine, avait un abord assez rude et surtout une très haute idée de sa personne. Son attitude détestable lui avait valu, exploit fort peu honorable, de recevoir un coup de poing en pleine figure de la part de Dutilleul. Heureusement, depuis, les choses s'étaient calmées, mais la tension demeurait palpable. « Ah oui, déjà. Le temps passe vraiment bien vite. Je n'ai même pas eu le temps de vous féliciter pour votre travail dans l'affaire Louvier. Un sale type, celui-là. Mais je me doute que ce n'est pas pour cela que vous m'appelez. Pour devancer votre question, elle va beaucoup mieux, notre petite Marie-Lise. Elle est toujours au même endroit. Oui, elle s'y plaît bien, et si elle continue comme cela, elle pourra sortir dans 1 ou 2 mois. Naturellement, je souhaiterais continuer à la suivre. Alors, si vous pouviez intervenir... Me faire votre avocat? Pourquoi pas. Les hortensias sont un bel endroit. Elle est au courant pour l'affaire Louvier? Oui. Difficile de faire autrement. Mais je lui en ai dit le moins possible. C'est votre job, après tout. Vous n'avez rien à y redire? Non, vous avez bien fait. En fait, je vais la voir demain. Elle va être très heureuse. Autre chose. Vous n'auriez pas connu un pédopsychiatre du nom de Vauquier? Vauquier? Non, mais je peux toujours me renseigner. Non, non, ce n'est pas utile. Je ne savais pas que vous aviez des enfants. Qui vous a dit que j'en avais? Dutilleul raccrocha assez satisfait de sa petite pique.